sous le mic, on te montre ce qu'on sait faire. 187 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, boy. Passe sous le mic, on te prouve qui sont les maîtres. Sans le paraître, on a le phrasier trop vénère, boy. Passe sous le mic, on te montre ce qu'on sait faire. 187 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, boy. Vas-y, mets le son à fond, bim, bim, badaboum. J'suis perdu dans le rap comme une balle à Kaboul. Braqueur sans tas de boules, mec, je rentre sur le beat. Défouraille instrumentale comme une foule qui déboule. Nuage de fumée, au fait, ma tête part en couille. C'est certes une douille dans un gosse pour remercier tous les traîtres. Bienvenue sur ma zik, à l'aise comme sur un banc. En fait, je vais te faire voir ce que c'est faire un boxeur sans ses gants. Vas-y, mets le son dans les enceintes, mon rap est venu contaminé. Engrenage de lyrique, c'est un 8-7-4-9-1-G. Pour les vrais et ceux qui savent, on sait se faire respecter. On reste pas sur une parole quand elle provient d'un enculé. Bienvenue dans ma tête, test, tu peux pas t'être tête, test. Tu crois être bien vu, mais tout le monde te déteste. T-O-R-K, tous les gars des quartiers. Les tarés, mecs carrés ou carrés cramés. Passe le mic, faut te montre ce qu'on sait faire. 187 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, boy. Passe le mic, faut te prouve qu'ils sont les mêmes. Sans le paraître, on a le phrasier trop vénère, boy. Passe le mic, faut te montre ce qu'on sait faire. 187 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, encore un boy. Encore un classique, c'est pour quand c'est les 15 titres. On n'a pas peur du casque, que des grossistes faire souffrir des soucis. C'est sous titre, on vous gâte, on vous rend poufi. Attendez, on n'a pas tout misé. Les indécis, les imbéciles sont atomisés. Assez canonisés, pour phrases bonifiées. Plaques des belles cafés, des malfrats, ça fait un bric-à-broc caché. Des rimes d'emblade sachées, on les laisse tous saquer. Un échantillon, notre talon d'or, on est le ballon. Bralon, chaque son, chaque chanson, on gaga gagne un gaga galon. Ça s'arrête jamais de jaser. Comme si leur partie était tasée, à tous nos bras on vient tout casser. J'ai gêné, parmi ceux sont ombragés. Du bord, je les transforme en poulet braisé. Observé, consterné par la tech et le flow. Au niveau, t'as les pilotes, range ta pire optimale. Passe le mic, faut te montre ce qu'on sait faire. 187 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, boy. Passe le mic, faut te prouve qu'ils sont les mêmes. Sans le paraître, on a le phrasier trop vénère, boy. Passe le mic, faut te montre ce qu'on sait faire. 187 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, boy. Sans 87 punchlines, ne te mêle pas de nos affaires, boy.